passe à côté de moi. Il m'a juste demandé comment je la trouvais. Car à la chambre à coucher, elle m'a juste parlé de la décoration, des tableaux de buffet qui inondaient les murs de la salle à manger. J'en suis resté clou. Bien.